Bonjour à tous, c'est une émission spéciale, la numéro 30, mais aussi parce que je bouffe des céréales. Vous allez le découvrir par vous-même. Necromonger, Unda, toujours quand même, de temps à autre. La playlist qui suit est la mienne. Je vais vous lancer des trucs un peu différents et peut-être pas tous connus, tel but. Sur les 5 groupes que je vais vous lancer maintenant, il y en a seulement un que je n'ai pas vu en concert, c'est l'intrus. Un très bon intrus, comme les autres, qui ne sont pas des intrus dans mon jeu, mais qui sont de bons intrus quand même. Enfin bon, bref, vous avez compris, j'espère. J'ai fini de vous embrouiller. Voici le Peuple de l'Herbe, avec Beautiful Swing, de 2017. Des Barons du Délire, avec Longue Vie, de 1997. Frogmouth, Que demande le Peuple, de 1995. Les Happy Drivers, avec Indian War, de 1990. Et enfin, Ben Harper, avec le titre When It's Good, de 2003. Le seul groupe que je n'ai jamais vu en concert, c'est le titre du milieu. À vous de jouer. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous parlez tous le français. Merci. Je voudrais ce soir soumettre à votre réflexion un élément musical qui va dans le sens de nos recherches. Alors, voici le premier son. Le premier son, s'il vous plaît. Voici le deuxième son. Troisième son. Quatrième son, c'est la même chose. We'll be right back. Dia, Unisson, Quinte et c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. C'est l'amour qui n'aimait pas trahi. J'ai écrit ces quelques mots qui sont jamais jolis. À lui je donne toute ma folie, ma rage, ma douceur et mes traits. Wow. Depuis que t'es arrivé, t'as fait changer le monde et que les libertés. Toi aussi. Ça fait pas mal d'années, et encore aujourd'hui, on vous fait l'ombre. Les hommes tombent pour toi sans savoir pourquoi. Ils t'ont trouvé un jour, ils ont connu l'amour. L'amour. Comme nous, ils t'ont donné leur folie, leur rage, leur douceur et leur trait. Wow. Parce qu'ils ont adopté, ils ont changé le monde, et que les libertés, et ainsi. T'as même ouvert leur compte car encore aujourd'hui ils te créent. Shit au tabac, mais je n'y trouve que du riz la croix. dans la rue, je fumerai mon pétard. Mais malheureusement, la France est en retard. Que demande le peuple si on l'écoute bien? Que demande le peuple car on écoute bien? On s'excite, à pas que ça s'active. Tous dans le même bateau, alors on y croit. On rame tous le cœur plein de fois. Bien sûr la vie ne fait pas de fleurs. Est-ce le bonheur ou le malheur qui te fait peur? Seul dans le futur, alors on s'accroche au vin, la baguette et la pétoche. Que demande le peuple si on l'écoute bien? Que demande le peuple car on écoute bien? Que demande le peuple si on l'écoute bien? Que demande le peuple car on écoute bien? Se battre à contre-courant, le sourire niais pour faire semblant, se disant peut-être que ça ira mieux, ça ira plus vite quand on sera vieux. Vaut mieux pas attendre pour que ça change. Voir les gens rien faire, moi ça me dérange. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que dans notre merde on finira noyé. Que demande le peuple si on l'écoute bien? Que demande car on écoute bien? Que demande le peuple si on l'écoute bien? Que demande le peuple car on écoute bien? Bon man, on y va. Vous allez où? Vous me laissez? Ouais, plus. Mais David? Ouais. On s'appelle demain pour le montage. Parce merci les gars, à plus, on et merci bonne reste. Allez, oh maman, on est où, là? Bon, bah, on va pouvoir y aller. Oh! question that I never make. Heard me laughing, you heard me weep and moan. When it's good, it's so, so good. When it's gone, it's gone. Lord, won't you save me or leave me alone? 'Cause when it's good, it's so, so good. When it's gone, it's gone. Oh, gone. Anything you can't deny, I could never be who he upon. Oh, 'cause when it's good, it's so, so good. When it's gone, it's gone. Eh bien voilà, c'est la surprise du chef. Nous avons décidé pour cet épisode, pour ce numéro 30 avec Necro, de partager la présentation. Donc c'est à mon tour et c'est moi qui ai choisi les 5 titres suivants. On va y aller directement. Je vais être encore à la risée de la prononciation en anglais. Necro adore ça. Alors, vous allez avoir droit à un petit Iron Maiden, un grand Iron Maiden avec Phantom of the Opera, Motorhead avec Ace of Spades, Anthrax, Blood, un artiste français, David TMX, avec L'Enfant Roi, L'Enfant Proie. Mais pour commencer, c'est quelque chose que j'écoutais autant dans les années 90. Il y avait une animatrice qui s'appelait Super Nana sur Skyrock qui le passait régulièrement. Et c'est un petit souvenir comme ça, c'est Blair avec Pomme de Terre. Bonne écoute et au passage, bon appétit à Necro. Pomme de terre inerte dans un champ, ni sang, ni nerf, ni pensée, ni sentiment. Bouddha au rabais, nirvana d'occasion. Qu'est-ce que t'attends? Reste pas la planter comme un con. Si tu continues, tu vas prendre racine. Arrête de rigoler en contemplant ton urine, en contemplant ton urine couler sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire? Pomme de terre, rien n'a d'intérêt. Tout m'indiffère, les gens sentent mauvais. Les petits oiseaux s'enculent sur les branches. Le commandant Cousteau découpe un an en tranche. Mère Teresa vend de la cocaïne à la sortie des maternelles. Et tu contemples ton urine, et tu contemples ton urine qui coule sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire? Pomme de terre, observe sans se plaindre toutes ces lumières une à une s'éteindre. Visage immobile, regard inexpressif, quelques germes font leur apparition sur le pif. Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu te te débine. Et pourquoi est-ce que tu te marres en contemplant ton urine, en contemplant ton urine qui coule sur tes chaussures en cuir? Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre un jour à rencontrer, pomme de fer qui l'a sodomisé, passé à tabac pendu par les testicules, pomme de terre ou pas, tant ton souffle on est ridicule. Le monde des humains n'est pas fait pour les tubercules. Sur son visage encore pourtant parfois se dessine un sourire nostalgique à la vue de son urine, à la vue de son urine qui coule sur ses chaussures en cuir. Avant ça le faisait dans le rire. We'll be right back.

enfants sont des éponges. À 10 gigas de mémoire, ils absorbent nos mensonges. Comme des yaourts à boire. Papa du cholestérol, mais un message commercial dit qu'il faut boire d'anacol pour combattre le mal. L'enfant proie des publicitaires, ce sont des milliards de gagnés. Car l'enfant roi fait des colères dans les supermarchés, expliquant à sa conne de mère ce qui est mauvais, ce qui est bon. Nos enfants sont les vrais experts de notre société de consommation. Les enfants ne savent plus se taire lorsqu'on durcit un peu le ton. L'enfant croit comme cadeau la pub comme éveil matinal, suivi d'un déjeuner promo bâillant aux aurores L'Oréal. L'enfant roi n'a plus qu'à prendre la place de roi que par erreur on lui laisse. Pas capté ce con, que grâce aux gentils oligos, il peut enfin reboire du lait. L'enfant craint plus rien ni personne, celle qui commence c'est la télé. Alors les parents abandonnent, l'autorité s'est démodée. Oui mais, ma fille c'est bien parce que je t'aime, que tu as eu tes trois fessées. À l'heure de mes chrysanthèmes, je n'aurai cesse de t'expliquer qu'elle m'a fait bien plus mal à moi qu'à mes petites fesses roses. Plus facile de dire des je t'aime, tout mielleux à son gosse c'est sûr. Mais c'est justement parce qu'on l'aime qu'un bon coup de pied au cul rassure parfois. L'enfance c'est l'être en construction, les parents sont les maîtres d'œuvre qui élaborent ses fondations, qui résisteront aux épreuves. On vous balance la source, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai nommé The Chats avec PubFeed de 2020, les 24/7 Spies avec Break the Chain de 1992, Infectious Grooves avec Immigrant Song de 93, une reprise de Led Zeppelin, les Beastie Boys avec Root Down de 1994, et enfin Eric Clapton et le titre Steady Rolling Man de 1974. À plus tard. 'cause I came here at 5:45. And I ain't gonna leave till I get my fix. All I want and all I need, all I crave is a good puppy. All I want and all I need, all I crave is a good puppy. Yeah. Kick it. and I roll both night and day. I am a steady rolling man, and I roll both night and day. But I ain't got no sweet mama who long to be rolling this way. Can't you hear me begging, mama? Ooh, Lord, and on my bended knee. Me revoilà pour la deuxième partie que j'ai vous ai spécialement concoctée avec George Thorogood and the Destroyers, Who Do You Love, qui est un classique du genre, Rory Gallagher avec Cradle Rock, Black Sabbath avec The Wizard, un petit Rick Derringer et enfin un petit Ted Nugent. Rick Derringer c'est Rock'n'Roll Ookie Koo et Ted Nugent c'est Wango Tango. Voilà, j'ai encore de me prendre la risée. Merci Negro qui insiste pour que je présente l'émission. Et c'est vraiment pas mon truc, je le fais. Oh, allez, ça me fait plaisir quand même d'être avec vous. Je passe le bonjour à Marie Simono, qui me suit depuis assez longtemps sur Facebook. Voilà, c'est tout simple, c'est un petit message personnel. Je fais une bise à Marie Simono. Voilà, et je vous laisse en musique avec les titres que je viens de vous citer. Et Necro me reprend après. Ciao, ciao, ciao. that lonesome Georgia don't understand who we love. The night was dark and the sky was blue. Down the alleyway, I swag and flew. Hit a bump and somebody scream. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Yeah, who do you love? Oh, who do you man. Just 22, baby, I don't mind dying. Snakeskin shoes, baby, put them on your feet. Got the good time music with the boat in the beat. Yeah, who do you love? Woo, who do you love? I walk 47 miles of barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. House out on the roadside, and it's a mad out of rattlesnake hide. Got a brand new gin, I'm on my bit on top, and it's a mad out of human skull. Come on, take a little walk with me, child. Tell me, who do you love? Yeah, who do you love? We'll be right back. talk. Thank you. Bienvenue dans la contrée du titre bonus de l'émission. Qui dit bonus dit explication. Il s'agit de Soul Coaching avec le titre Is Chicago, Is Not Chicago de 1994. J'ai découvert leurs trois premiers excellents albums au fur et à mesure de leur sortie. Et puis j'ai arrêté. Les autres ont sûrement très bien, hein, mais c'était une époque où je passais du coq à l'âne assez rapidement. Un groupe en remplaçant un autre, à l'enfilade. Ça doit être mon côté, je change de titre toutes les 2 heures. Désolé madame la dame. Bonne écoute, et à bientôt pour un prochain numéro. A plus en bus. Si je mettais un petit truc blues là, après le truc speed, voire je mets un thrash metal avec Ben Harper, après, ouais, c'est déconcertant mais c'est bien, ça fait un peu l'émission Tipiak de Ludovic Obeuf pour un meilleur pirate au bourguignon, allez nous envoyer votre recette, non, ça va pas plaire madame la dame, faisez-en vous des émissions, tiens.